plus demander. Tulipe, ce soir, elle me dit oui, elle me dit non. J'avais espéré te voir, elle me fait oui, oui, mais là non. Je suis sujette au désespoir, elle aussi oui, ah oui, mais non. Je lui demande si je peux m'asseoir, elle me dit oui, elle me dit non, non, non, non, non. J'aime bien ta joue. J'aime bien l'autre aussi. J'aime bien tes joues et le milieu de tes seins. Je pensais qu'on pourrait sortir, elle me fait oui, oui, mais là non. Je te demande d'y réfléchir, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce pour me faire souffrir, elle me dit non, non, non, mais non. Demain, pourrais-je revenir, peut-être que oui, peut-être que non, non, non, non, non. J'aime bien ta jambe. J'aime bien l'autre aussi. Oh, j'aime bien tes jambes et le milieu de tes seins. Je lui demande, est-ce que tu m'aimes? Elle pense que oui, mais me dit non. N'en es-tu donc pas certaine? Elle sait que oui, mais me dit non. Mes tentatives sont-elles vaines? Elle me dit non, non, non, mais non. Te prends-tu donc pour une reine? Elle sait que oui, mais me dit non, non, non, non, non. J'aime bien ta main. J'aime bien l'autre aussi. J'aime bien tes mains et le milieu de tes seins. Et le milieu de tes seins. Et le milieu. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do